2006, mon pote. Ouais. Nord. Bang, bang. Ok. Ok. Je viens arroser le rap, te faire goûter à la crème, te parler avec ma rage. Mec, écoute, ça vaut la peine, j'ai pris perpète. N'essayez pas de me faire fermer ma gueule, je vais raser des crêtes, faire des crêtes et développer mon buzz. Laissez pousser les plans, les frères veulent fumer la bombe. Les yeux sur les cendres, ils s'endormiront sur mon album. Ils veulent la forme, j'ajouterai le fond et de la bonne parmi tous ces gosses qui s'entassent juste derrière la porte. On vient pas faire le rap comme ils sont venus faire l'Irak. Moi j'apporte une graine que tu surnommeras la perle rare. Me demande plus d'attendre, venu voir le bout de la pente. Parlerai au nom des délinquants et de ceux qui l'arpentent. Si tu me suis, tout s'achète. Le chiffre et la loi face à toutes ces chaînes. Je me méfie pas de ce qu'à boire. Laisse les gosses aller à l'école. Ne les mets plus dans les salles blancs. Laisse mon son te rincer les tympans. Moi j'apporte les histoires de ma ville. Je suis le fruit de cette époque et la suite. C'est bang bang. On n'écartera pas l'illicite. La jeunesse veut du cash et des histoires. Bang bang. C'est du Nord 2006. Tu n'échapperas pas à mon rap. Tiens à taille. Bang bang. Je suis de train devant toi. Laisse tomber, c'est la vie qui veut ça, comprends-moi. Bang bang. L'arrêtable comme les cartels, ça roupie dans les hôtels, ça pousse dans les gros BM, le kit piéton à l'oreille, ça tchatche et ça promène, ça arrose tous les collègues, ça vient parler à l'oreille, c'est le voyou dont tous les minots rêvent. Les reportages viennent donner les recettes pour finir dans leur secte, ou comme la série dans la CC. C'est de la perte, le pouvoir évoque que de la merde, ça cache leurs affaires et ça tire quand ça fait la fête. Comment veux-tu pas qu'on s'écarte de leur vision? Je suis pas les stars ni les ch'tards. Moi j'augmente le son, viens bouger la tête, frérot, on fera notre fête, t'as purgé ta peine. C'est tes becs qui me le rappellent. On est en forme de coupettes de chandon dans la tête. Toujours du bon sang. JJ souvent dans l'affaire. On se la pète pas. La même équipe de Neftar. Toujours à la quête d'une nouvelle pompe pour sa veille tard. Moi j'apporte les histoires de ma ville. J'suis le fruit de cette époque et la suite. C'est bang bang. On n'écartera pas l'illicite. La jeunesse veut du cash et des histoires. Bang bang. C'est du Nord 2006. Tu n'échapperas pas à mon rap. Tiens à taille. Bang bang. J'suis de train devant toi. Laisse tomber. C'est la vie qui veut ça, comprends-moi. Moi j'apporte les histoires de ma ville. J'suis le fruit de cette époque et la suite. C'est bang bang. On n'écartera pas l'illicite. La jeunesse veut du cash et des histoires. Bang bang. C'est du Nord 2006. Tu n'échapperas pas à mon rap. Tiens à taille. Bang bang. J'suis de train devant toi. Laisse tomber. C'est la vie qui veut ça, comprends-moi. Bang bang. Bang! Bang!